Pour dire beaucoup en chinois, on utilise 很多, 很, vers rouge de la victoire, 多, pouce vers coucher, 很多. Donc, le mot pour très se dit 很多. Très, c'est juste 很. Oui, et maintenant, beaucoup se dira 很多. Oui, dites-vous que pendant que la reine dort, beaucoup de sujets veillent sur le sommeil de sa majesté. Alors, elle veut beaucoup de livres. 她要很多书. Comment dites-vous beaucoup? 很多. C'est ça, 很多. Elle veut beaucoup de livres. 她要很多书. Comment direz-vous? Elle dit qu'elle a beaucoup d'amis, sans traduire le que de quel. 她说很多. Elle dit qu'elle a beaucoup d'amis. 她说她. Yo. Elle dit qu'elle a 很多. Peng. Non. Peng. Yo. Elle dit qu'elle a beaucoup d'amis. 她说她有很多朋友. Et maintenant dites. Bon alors, où sont tous ses amis? On commence par bon alors. Nam. Où sont tous ses amis? Ses amis. Alors, se trouvent où? Oui, ses amis, tous se trouvent où? Commençons par C. Tad. Ses amis. Tad. Peng. Yo. To. Tsai. Na. Bon alors, où sont tous ses amis? Nam. Tad. Peng. Yo. To. Tsai. Na. Ils sont probablement tous à Paris. Ta kai. Ta kai. Probablement, ils sont tous à Paris. Ta men. To. Zai. Ba. La. Ba. Ba. Ba li. Ba li. Oui, d'abord pouce vert, puis doigt bleu levé. Alors, comment dites-vous Paris en chinois? Pa-li. Ils sont probablement tous à Paris. Da-gai. Ta-men. Do-zai. Pa-li. Maintenant, dites-moi, je dis qu'elle n'a probablement pas beaucoup d'amis. Et vous n'avez pas besoin de traduire le que de quel ici. Donc, je dis. Wow. Probablement. Da gai. Elle n'a pas. Ta ou ta bu yo. Donc, qu'allons-nous utiliser avec yo? Ah oui, c'est vrai, c'est mais. Mais pouvez-vous me redonner la phrase en français, s'il vous plaît? Alors, la phrase, c'est je dis qu'elle n'a probablement pas beaucoup d'amis. Wa. Shi. Da gai. Ta. Mei you. Han. Duo. Peng you. Comment dites-vous parler ou dire? Shuo. Shuo. Shuo. Rappelez-vous de l'homme politique avec toutes ses promesses. Qu'est-ce qu'il fait ? Un show. Reprenons. Je dis qu'elle n'a probablement pas beaucoup d'amis. 我说大概他没有很多朋友. Je veux celui-ci, pas celui-là. 我要这个. Comment on dit celui-ci ? Peut-on juste utiliser « ig » ? Oui, vous pouvez dire ce que vous venez de proposer. « 这个 », ça marche, d'accord. Oui, donc, « je veux celui-ci ». 我要这个 ». Ne pas vouloir ou « je ne veux pas celui-là ». 我不要这个 ». Celui-là. Neuk. Ou celui-là. Nak. Nak. Nak. Je veux celui-ci, pas celui-là. Wo yao zhege, bu yao nak. Imaginez que vous êtes au marché ou bien dans un magasin, et que vous pointez votre doigt sur quelque chose qui vous intéresse. Vous pourriez dire « je veux celui-là ». Je veux celui-là. À moins que, au marché ou dans le magasin, vous préfériez celui-ci. Alors comment dites-vous « je veux celui-ci » ? Yao, zhege. Je veux celui-ci. Wo yao zhege.